Woo! Ina! Stan James. Jizzo! Bayaya, lelo ne lelo eko yinda. Mizike za na sebo ye pisa DJ Amatisa. Le piso sexy, faut pas braguer. Bien ça fait bien parfumé, c'est pas pour rien.